La signalisation indique la fin du caractère prioritaire de la route sur laquelle je circule. Le panonceau qui l'accompagne précise que cette disposition prendra effet à 300 mètres. Il ne faut pas confondre ce panonceau de distance et le panonceau d'étendue, reconnaissable par les petites flèches verticales qui le bordent. Réponse A.